Bonjour, je voudrais faire un petit voyage pour le pont du 1er mai. Qu'est-ce que vous me proposez? Si vous ne voulez pas partir trop loin, je vous conseille Barcelone. Il y a une promotion très intéressante et il reste encore quelques places. Vous êtes combien? Nous sommes deux, mon mari et moi. On voudrait partir le vendredi 27 avril et rentrer le mardi 1er mai dans la soirée. Oui, l'avion décolle de Montpellier à 18h35. Ça irait? Oui, parfait. Vous faites aussi les réservations d'hôtels? Bien sûr. Quel genre d'hôtel cherchez-vous? Oh, un petit hôtel dans le centre-ville. Ah, voilà, l'hôtel Paloma, 3 étoiles. Il y a une belle terrasse avec une jolie vue. Et ça fait combien, le vol aller-retour et les 4 nuits d'hôtel pour 2 personnes? Je regarde. Alors, il y a un forfait à 450 € par personne. Ça inclut le vol aller-retour, le transfert de l'aéroport à l'hôtel et la chambre pour 4 nuits. Ça me paraît très raisonnable. Je vais en parler avec mon mari. Attention, il ne reste plus beaucoup de place, alors n'attendez pas trop longtemps. Je vous donne une réponse demain matin. Parfait. À demain donc. Voici ma carte. Appelez-moi.